L'oiseleur, l'autour et l'alouette. Fable 15 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Nicolas Beck. Les injustices des pervers servent souvent d'excuse aux nôtres. Telle est la loi de l'univers. Si tu veux qu'on t'épargne, épargne les autres. Un manant au miroir prenait des oisillons. Le fantôme brillant attire une alouette. Aussitôt, un autour, planant sur les sillons, descend des airs, fond et se jette sur celle qui chantait, quoique près du tombeau. Elle avait évité la perfide machine, lorsque, se rencontrant sous la main de l'oiseau, elle sent son ongle maligne. Pendant qu'à la plumée, l'autour est occupé, lui-même sous les raies demeure enveloppé. « Oiseleur, laisse-moi, » dit-il en son langage, « je ne t'ai jamais fait de mal. » L'oiseleur repartit. Ce petit animal t'en avait-il fait davantage? Fin de la fable 15, l'oiseleur, l'autour et l'alouette. Cet enregistrement fait partie du domaine public.